La troisième phase. La troisième et ultime phase de la vie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, permet aux musulmans de recueillir les fruits de son effort ininterrompu dans la voie de l'appel à l'islam. Pendant plus de 20 ans, les musulmans luttèrent pour la cause d'Allah, s'attelèrent à un labeur difficile, furent persécutés, endurèrent patiemment des épreuves diverses et livrèrent des batailles sanglantes. La conquête de la Mecque fut considérée comme l'action la plus profitable accomplie par les musulmans au cours de toutes ces années parce qu'elle a affecté le cours des événements et bouleversé tous les aspects de la vie des Arabes. Cette victoire marqua un tournant décisif, annonçant une nouvelle ère de l'action islamique car les Quraychites étaient à cette époque, aux yeux des Arabes, les protecteurs et les assistants de la religion. La soumission des Quraychites signifiait ainsi l'élimination du paganisme en Arabie. Cette troisième phase comprend deux périodes, celle des combats pour la cause d'Allah et celle de l'entrée en masse des peuples et des tribus dans l'islam. En fait, ces deux périodes se chevauchèrent, cependant nous avons préféré dans une optique liée à la construction de notre exposé les traiter séparément. La narration des combats précédera celle des conversions en raison du lien les rattachant aux événements précédents. La bataille de Hunayn. La rapidité avec laquelle survint la conquête de la Mecque et la puissance de l'offensive des musulmans déconcertèrent les tribus arabes. Elles furent mises devant le fait accompli sans avoir l'opportunité de repousser cet événement. C'est pourquoi ces dernières se soumirent-elles devant la victoire éclatante de l'islam. Certaines d'entre elles, cependant, fières et belliqueuses, s'y refusèrent et se rebellèrent. En tête de celles-ci figuraient les clans des Hawazin et des Thaqif, de même que les Nasr, les Jucham, les Sa'd ibn Bakr et les gens de Banu Hilal, tous des branches de la tribu de Qays Aylan. Elles pensaient être trop puissantes pour admettre une telle victoire et s'y soumettre. Ainsi se rassemblèrent-elles autour de Malik ibn Auf al-Nasri pour partir affronter les musulmans. La progression de l'ennemi et son campement à Autas. Lorsque Malik ibn Auf, général des troupes ennemies, décida d'entreprendre cette campagne, il demanda à ses partisans d'emmener leurs femmes, leurs enfants et leurs richesses à Autas, qui est une vallée sur la terre des Hawazin, près de Hunayn. La vallée de Hunayn se situe à côté de Zil Majaz, à environ 16 km de la Mecque, dans la direction de Arafat. Après l'établissement du campement à Autas, de nombreuses personnes se pressèrent autour de Malik. Jureyd ibn Summa, un homme âgé expérimenté dans l'art de la guerre, demanda alors à la foule rassemblée autour de Malik « Dans quelle vallée sommes-nous ?»« À Autas, » répondirent-ils. « Cet endroit convient très bien aux chevaux, ce n'est ni une hauteur escarpée, ni une plaine sableuse. » « Mais qu'est-ce donc? D'où viennent ces grognements de chameaux, ce braillement d'âne, ce bêlement de brebis et ces cris de nourrissons ?» demanda Jureyd. Ils dirent « Malik ibn Auf a voulu que les hommes emmènent leurs familles et leurs biens avec eux. » Il en demanda alors la raison à Malik. Ce dernier se justifia en disant que cela galvaniserait les combattants qui se battraient ainsi pour défendre leurs familles et leurs biens. Jureyd lui fit alors la remarque suivante « Tu n'es rien d'autre qu'un berger. » Penses-tu qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse dissuader les vaincus de fuir? Si tu gagnes la bataille, seuls t'auront été utiles les hommes munis de leurs épées et de leurs lances. Mais si tu la perds, cela équivaudra à une calamité pour ta famille et tes biens. » Puis il s'enquit de la présence de certains clans avant d'ajouter « Ô Malik, impliqué dans cette bataille les Hawazin, qui sont des gens très distingués, ne te servira à rien. Fais-les parvenir à un endroit où ils seront à l'abri, puis va à la rencontre des apostats. Si tu es vainqueur, ceux que tu auras éloignés se joindront à toi, mais si tu perds, cette défaite n'entraînera pas en plus le sacrifice des tiens et de tes biens. » Mais Malik refusa de tenir compte de ses conseils. « Par Allah, dit-il, je n'agirai pas ainsi. Tu es devenu sénile à ce que je vois. Les Hawazin doivent m'obéir, sinon j'appuierai mon corps sur cette épée jusqu'à ce qu'elle me transperce le dos. » Il rejeta ainsi la proposition de Jureyd et refusa que celui-ci joue un rôle quelconque dans la bataille. « Nous t'obéissons, » lui dirent les gens de son peuple, et Jureyd dit en conséquence, « C'est là un événement auquel je ne prendrai pas part, mais qui ne m'épargnera pas. » Les espions dépêchés par Malik pour observer les forces musulmanes retournèrent chez les leurs, les membres tétanisés par la terreur. « Malheur à vous, que vous est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous tout tremblant ?» demanda Malik. Ils répondirent, « Nous avons vu des hommes tout de blanc vêtus monter sur des chevaux. Par Allah, nous n'avons pu empêcher que nous arrive ce que tu vois. » Il s'agissait en fait des anges. Les nouvelles relatives à la progression de l'ennemi furent transmises au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il dépêcha Abu Hadrad al-Aslami en lui enjoignant de se mêler aux éléments hostiles, de rester auprès d'eux afin de recueillir des informations puis de revenir les lui rapporter. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, quitte la Mecque pour Hunayn. Le samedi 6 du mois de Shawwal, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, quitta la Mecque à la tête de 12 000 musulmans, dont 10 000 d'entre eux avaient participé à la conquête de la Mecque. La majeure partie des 2 000 autres, qui étaient Mécois, n'avaient embrassé l'islam que récemment. Cette marche débuta 19 jours après la conquête de la Mecque. Le prophète, alayhi salatu wassalam, emprunta une centaine de cottes de mailles ainsi que d'autres armes à Safwan ibn Umayya. Il nomma Itab ibn Usayd comme gouverneur de la Mecque. Le soir, un cavalier vint trouver le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Je suis monté sur telle et telle montagne et je suis tombé sur les Hawazines avec leurs femmes, leurs bétails et leurs moutons. Tous les membres des Hawazines étaient présents. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sourit et dit « Tout cela nous reviendra demain, Incha'Allah, si Allah le veut. » Cette nuit-là, Anas ibn Abi Murthad al-Ghanawi se porta volontaire pour monter la garde. Sur leur route vers Hunayn, les musulmans virent un grand arbre vert appelé Dhat Anwat. Les Arabes avaient l'habitude d'y suspendre leurs armes, d'égorger auprès de lui des animaux et de demeurer une journée à ses côtés, cherchant par là ses bénédictions. C'est alors que certains combattants demandèrent à l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, de leur désigner un arbre où ils pourraient, à l'instar des polythéistes, suspendre leurs armes. « Allahu Akbar, Allah est le plus grand », s'exclama-t-il. « Je jure par celui entre les mains de qui se trouve l'âme de Muhammad que vous venez d'exprimer la même requête que les gens du peuple de Moïse lorsqu'ils lui avaient demandé « Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu ». Moïse leur avait répondu « Vous êtes des gens ignorants ». Sourate 7, verset 138 selon le sens du verset. Ce sont là des traditions. Certes, vous suivrez les traditions de ceux qui vous ont précédés. Voyant à quel point ils étaient nombreux ce jour-là, certains musulmans dirent « Nous ne connaîtrons pas la défaite aujourd'hui ». Cette déclaration présomptueuse indisposa au plus haut point le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. L'armée musulmane malmenée par l'ennemi. Le mardi soir, l'armée musulmane arriva à Hunayn. Malik ibn Auf, qui de nuit avait déjà pénétré dans la vallée, enjoignit à ses soldats de se tapir en embuscade le long des pistes et de tous les passages étroits. Ses ordres étaient d'accabler les musulmans par des tirs incessants de flèches avant de lancer une attaque groupée contre eux. Très tôt avant l'aube, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se mit à galvaniser ses troupes et à répartir les rôles et les étendards. Dans l'obscurité et juste avant le lever du jour, les musulmans avancèrent en direction de la vallée de Hunayn. Ils commencèrent à s'y engager en ignorant la présence des ennemis embusqués qui les attendaient. C'est alors qu'une pluie de flèches s'abattit sur eux et qu'ils subirent une attaque menée par des polythéistes qui surgissaient de partout. Surpris, les musulmans se retirèrent en désordre et dans la confusion la plus extrême. Devant cette déroute, Abu Sufyan ibn Harb, nouvellement converti, ne put s'empêcher de faire remarquer avec dérision que la fuite des musulmans ne s'arrêterait qu'une fois ceux-ci arrivés devant la mer Rouge. Jabala, ou Kilda ibn al-Junayd, commenta ainsi l'événement. La magie est sûrement restée sans effet aujourd'hui. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se tourna alors vers la droite et dit « Ô gens, accourez, je suis le messager d'Allah, je suis Muhammad, le fils de Abdullah. » Mais seuls quelques muhajirun et des membres de sa famille restèrent à ses côtés. La bravoure inégalable du prophète, alayhi salatu wassalam, se manifesta une fois de plus. Il continua d'avancer en se cramponnant à sa mule face aux mécréants tout en proclamant « Je suis vraiment le prophète, je suis le fils de Abdul Muttalib. » Abu Sufyan ibn al-Harith tenait les rênes de la mule du prophète, alayhi salatu wassalam, et Al-Abbas son étrier, s'efforçant de ralentir l'allure de la monture. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mit alors le pied à terre et supplia son seigneur de lui venir en aide. « Ô mon Dieu, fais descendre ton soutien. » La riposte des musulmans. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda à son oncle Al-Abbas, qui avait une voix forte, de rappeler les combattants musulmans. Al-Abbas clama « Où sont les gens de l'arbre ?» c'est-à-dire les gens du serment fait sous l'arbre. « Par Allah, » dit-il, « lorsqu'ils entendirent mon appel, ils revinrent sur le champ de bataille semblables à des oryx, c'est-à-dire des vaches sauvages, se précipitant pour protéger leurs petits. « Nous voici à ton service, nous voici » crièrent-ils. On pouvait alors les voir essayer d'arrêter leurs chameaux pour retourner sur le champ de bataille. Celui qui ne parvenait pas à contraindre son chamois à revenir enfilait rapidement sa cotte de maille et mettait pied à terre sans tarder, son arme à la main, laissant filer sa monture et courant vers l'endroit d'où provenait la voix qui appelait les combattants musulmans. D'autres voix se joignirent à celle d'Al Abbas jusqu'à ce qu'une centaine de musulmans se regroupa autour du prophète alayhi salatu wassalam pour reprendre la lutte. Ceux qui furent ensuite appelés furent les Ansar. « Oh Ansar ! Oh Ansar !» cria encore Al Abbas. Le dernier groupe que l'on rappela fut celui des Banu al-Harith ibn al-Khazraj. Ainsi les bataillons musulmans se déversèrent-ils successivement sur le champ de bataille de la même façon qu'ils l'avaient quitté précédemment. Les deux camps s'affrontèrent avec vigueur et acharnement. Observant avec un grand intérêt la bataille, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Maintenant, la bataille fait rage ». Ramassant une poignée de terre, il la lança en direction des visages de l'ennemi en disant « Que la honte vous submerge ». Leurs yeux se trouvèrent couverts de poussière et ils se mirent à battre en retraite de façon extrêmement confuse. Le retournement de situation et la sévère défaite de l'ennemi. Quelques heures seulement s'écoulèrent entre le moment où le prophète, alayhi salatu wassalam, lança une poignée de terre au visage des ennemis et l'effondrement complet de ces derniers. Dans le seul clan des Thaqif, près de 70 hommes furent tués. Les musulmans saisirent leurs chameaux, leurs armes et leur bétail. Allah fait allusion à ce revirement de situation dans le Coran. « Allah vous a déjà secourus en mains endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis vous avez tourné le dos en fuyard. Puis Allah fit descendre sa sakina, sa quiétude, sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes des anges que vous ne voyez pas et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. » Sourate 9, versets 25 et 26, selon le sens des versets. La poursuite sans relâche de l'ennemi. Après leur défaite, certains groupes ennemis se dirigèrent vers Taif et d'autres vers Nakhla et Autas. Un groupe de musulmans dirigé par Abu Amir al-Ash'ari fut dépêché à leur poursuite et quelques affrontements eurent lieu à Autas, occasionnant la mort d'Abu Amir. Un autre bataillon de cavaliers poursuivit les idolâtres qui avaient pris la route de Nakhla et finit par rattraper Durayd ibn Summa qui fut tué par Rabi'a ibn Rufay. Après avoir rassemblé le butin, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, partit pour Ta'if afin d'y combattre la majeure partie des polythéistes vaincus à Hunayn. Le butin comprenait 6 000 captifs et 24 000 chameaux. Il y avait également 40 000 moutons et 4 000 onces d'argent. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ordonna que ce butin soit conservé à Al-Ju'rana et il désigna Mas'ud ibn Amr al-Rifari comme responsable de la sauvegarde de ses biens. Ce ne fut qu'une fois la campagne d'At-Ta'if achevée que le prophète, alayhi salatu wassalam, eut l'opportunité de se consacrer aux captifs et c'est alors qu'une femme âgée parmi les prisonnières fut amenée en sa présence. Il s'agissait d'Ashayma, bintul Harith al-Sa'diya, la sœur de l'aide du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Elle lui révéla son identité et il la reconnut d'après un signe physique qui la caractérisait. Il la traita alors avec de grands honneurs et étala à terre son manteau pour la faire s'asseoir dessus. Il lui concéda des faveurs et lui permit de retourner chez les siens. L'expédition contre Ta'if. Cette expédition militaire ne fut que le prolongement de celle de Hunayn. Elle est due à la fuite et au retranchement dans cette cité de la majeure partie des troupes vaincues des Hawazin et de Thaqif accompagnées de Malik ibn Auf al-Nasri. Après avoir rassemblé le butin à Al-Ju'rana au mois de Shawwal de la 8e année de l'Hégire, l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, marcha sur Ta'if. Un bataillon d'un millier d'hommes conduit par Khalid ibn al-Walid partit en avant-garde pour Ta'if. Pendant ce temps, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passait à Nakhla al-Yamaniya, à Qarn al-Manazil et à Layya. À Layya se trouvait un château appartenant à Malik ibn Auf et le prophète, alayhi salatu wassalam, le fit détruire avant de reprendre sa marche vers Ta'if. Après son arrivée, il établit son campement et assiégea la ville. Ce siège dura, selon un hadith rapporté par Muslim d'après Anas, pendant 40 jours. Les biographes du prophète, alayhi salatu wassalam, estiment quant à eux qu'il se maintint entre 10 et 20 jours. Les assiégés firent pleuvoir sur les musulmans un nombre impressionnant de flèches et de pierres. Les tirs de flèches furent si intenses et virulents que cela était comparable à des nuées de sauterelles. À cause de cette âpreté des combats, beaucoup de musulmans furent blessés et 12 d'entre eux furent tués. Pour se mettre hors de portée des flèches de l'ennemi, les musulmans durent choisir pour campement un terrain plus en hauteur qui correspond à l'emplacement actuel de la mosquée de Taïf. À l'aide d'une catapulte, les musulmans parvinrent à creuser un trou dans les remparts du château fort de la ville. Protégés par une carapace en bois, des assaillants musulmans tentèrent d'allumer un incendie dans la muraille du château fort. Mais l'ennemi lança sur eux des crochets de fer ardent, les obligeant à sortir de leur abri, les exposant ainsi de nouveau aux tirs de flèches et entraînant de ce fait la mort de plusieurs musulmans. Pour contraindre les négateurs à la reddition, le prophète alayhi salatu wassalam fit couper et brûler leurs vignobles. Devant ce désastre, les assiégés implorèrent le prophète alayhi salatu wassalam pour mettre fin à cette pratique et d'être miséricordieux à leur égard au nom d'Allah et au nom des liens de parenté qui les unissaient. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam accepta. Le prophète sallallahu alayhi wasallam fit lancer aux mécréants cet appel. Quiconque descendra et sortira du fort sera libre. 23 hommes le quittèrent. L'un d'eux était Abu Bakara, qui s'accrocha à un mur et se laissa descendre au moyen d'une roue d'une machine à irrigation appelée justement Bakara, d'où le surnom qui lui fut donné par le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakara. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam libéra effectivement ces hommes et il confia chacun d'entre eux à un musulman pour qu'il subvienne à ses besoins. Le château fort se révélait être très bien défendu, et en mesure de faire face durablement à cette épreuve, les mécréants disposaient en effet de vivre pour une année. De plus, la souffrance des musulmans ne s'amenuisant pas, le prophète alayhi salatu wassalam consulta Nawfal ibn Muawiyah ad-Daili à propos de cette situation. Celui-ci dit « Ils sont tels un renard dans son terrier. Si tu es patient, tu finiras par l'attraper, mais si tu le laisses, aucun mal ne t'affligera. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, décida de lever le siège et de partir. Omar ibn al-Khattab, qui reçut l'ordre d'annoncer aux musulmans ce départ, leur dit « Si Allah le veut, nous lèverons le camp demain. » Comme il était trop pénible aux musulmans de tolérer cet échec, ils se plaignirent en disant « Devrions-nous nous en aller alors que le château n'a pas encore été pris ?» La réponse du prophète, alayhi salatu wassalam, fut « Alors, allez combattre demain matin. » Mais ce nouvel assaut se solda par un nombre accru de blessés. Ainsi, lorsqu'il répéta « Si Allah veut, nous quitterons Taïf », ils furent tous heureux et exécutèrent les ordres sans protester, ce qui fit sourire le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Au moment du départ, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Dites, nous revenons repentants, en adorateurs de notre Seigneur, lui adressant des louanges. » Quand le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut invité par des musulmans à invoquer Allah contre les Thaqifs, il dit « Ô mon Dieu, guide les Thaqifs et fais-les venir à nous en tant que musulmans. » La répartition du butin à Al-Jurana. Après avoir levé le siège à Taïf, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, resta une dizaine de jours à Al-Jurana avant de répartir le butin. Ce retard était dû au fait qu'il espérait voir arriver les Hawazines annoncer leur repentir et reprendre ainsi leurs biens. Il attendit vainement leur retour et commença donc à effectuer la répartition du butin afin de calmer les chefs des tribus et les notables de la Mecque. Les premiers à obtenir leur part, part qui était d'ailleurs plus importante que celle qui aurait dû leur être attribuée par le calcul, furent les nouveaux convertis, parmi eux les notables de Quraysh. Dès qu'il finit de faire des dons aux nouveaux convertis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Zayd ibn Thabit d'aller chercher ce qui restait du butin et de faire venir les gens. Puis il détermina les parts. Celle d'un fantassin fut de 4 chameaux et de 40 moutons, et celle d'un cavalier fut de 12 chameaux et de 120 moutons, tandis que les nouveaux convertis parmi les notables de Quraysh eurent des chameaux par centaines et d'autres biens. Les Ansar éprouvent de l'amertume. Dans un premier temps, la répartition des biens établie par le prophète alayhi salatu wassalam fut incomprise par de nombreux musulmans. Par conséquent, les gens à la langue bien acérée commencèrent à exprimer ouvertement leurs objections. Les Ansar furent parmi ceux qui se sentirent le plus frustrés. En effet, ils furent privés de toute part du butin bien qu'ayant été les premiers à combattre auprès du messager d'Allah alayhi salatu wassalam lors des moments difficiles de la bataille de Hunayn, faisant preuve de fermeté jusqu'à ce que la défaite se muât en victoire. Mais ils constataient à présent que les fuyards avaient les mains remplies tandis qu'eux n'avaient rien reçu. Ibn Ishaq a dit Quand le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, eut fait à Quraysh ainsi qu'aux tribus arabes des largesses, tandis que les Ansar n'avaient rien obtenu, un groupe d'entre ces derniers en fut irrité au point de dire « Par Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, a retrouvé son peuple. » Sa'd ibn Ubada alla voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Ô messager d'Allah, ce groupe de Ansar t'en veut à propos de la distribution du butin. Tu en as donné des parts aux hommes de ton peuple et tu as offert beaucoup de cadeaux aux tribus arabes, mais eux n'ont rien reçu. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda alors son avis à Sa'd ainsi. « Et toi, Sa'd, que penses-tu de tout cela ?» lui demanda le prophète, alayhi salatu wassalam. Sa'd répondit « Ô messager d'Allah, je fais partie de mon peuple. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Rassemble donc ton peuple dans cet enclos. » Sa'd obtempéra, et lorsque certains muhajirun arrivèrent, il les refoula à l'exception de quelques-uns. Quand les Ansar furent tous rassemblés, Sa'd en informa le prophète, alayhi salatu wassalam. Dès qu'il arriva, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, remercia Allah et le glorifia. Puis il dit « Que signifie cette nouvelle qu'on m'a rapportée à votre sujet? Ne vous ai-je pas trouvé dans l'erreur et Allah vous a guidé? N'étiez-vous pas pauvre et Allah vous a enrichi? N'étiez-vous pas des ennemis et Allah a rétabli la bonne entente entre vos cœurs ?» Oui, dirent-ils, Allah et son messager nous ont comblés de faveurs. Puis il dit, ne me répondez-vous pas, ô Ansar? Que te répondre, ô messager d'Allah? Allah et son messager nous ont comblés de faveurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit alors, par Allah, vous pourriez répondre en toute honnêteté et l'on vous croirait si vous disiez, tu es venu à nous alors que d'autres te traitaient de menteur et te rejetaient, et nous avons cru en toi. Et nous t'avons soutenu. Tu as été banni, et nous t'avons accordé l'asile. Tu étais pauvre, et nous avons subvenu à tes besoins. Ô Ansar, avez-vous éprouvé dans vos cœurs de l'affliction parce que j'ai accordé à des gens des biens vains de ce monde pour attacher leur cœur et favoriser leur soumission à Allah, contrairement à vous que je savais déjà entièrement attaché à l'islam? N'êtes-vous pas satisfait, ô Ansar, de revenir dans vos demeures en compagnie du messager d'Allah, alors que les gens vont rentrer chez eux avec des brebis et des chameaux? Par celui qui détient mon âme entre ses mains, si l'émigration n'avait eu lieu, j'aurais été l'un des Ansar. Si les gens s'engageaient dans une vallée et que les Ansar s'engageaient dans une autre, je suivrais les Ansar. Ô mon Dieu, répands ta miséricorde sur les Ansar, sur leurs enfants et sur les enfants de leurs enfants. Les Ansar se mirent alors à pleurer jusqu'à mouiller leur barbe de larmes et ils dirent « Oui, nous nous satisfaisons de garder le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Puis le prophète, alayhi salatu wa sallam, quitta l'assemblée et les gens se dispersèrent. La délégation des Hawazin arriva juste après la répartition du butin. Elle comptait 14 hommes dirigés par Zuhair ibn Sard. L'oncle adoptif du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, Abu Barqan, était également parmi eux. Ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur restituer leurs biens et leurs familles captives. Sur la demande du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, tous les compagnons rendirent les femmes et les enfants, à l'exception de Uyayna ibn Hisn qui refusa de laisser partir une femme âgée qu'il détenait. Il la libéra tout de même plus tard. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donna en cadeau à chaque prisonnier libéré un vêtement en provenance d'Égypte. Après avoir partagé le butin à Al-Jurana, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, effectua une omra et ensuite rentra à Médine après avoir nommé à la Mecque Itab ibn Usaïd. Son retour et son arrivée à Médine se firent dans les 6 dernières nuits du mois de Dhul-Qi'da de l'an 8 de l'Hégire. L'après-conquête de la Mecque, les missions et les détachements militaires. De retour de son long périple qui avait été couronné de succès, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, resta à Médine, recevant des délégations, désignant des gouverneurs pour les territoires devenus musulmans et dépêchant des missionnaires dans toutes les régions pour appeler les gens à l'islam. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, était arrivé à Médine durant les derniers jours de la 8e année de l'Hégire. À peine le croissant de la nouvelle lune marquant le début du mois de Muharram de la 9e année de l'Hégire fut-il apparu, qu'il envoya des hommes chargés de la perception de la zakat et de la jizya aux diverses tribus arabes. Au nombre de 16, ces percepteurs n'ont pas tous été nommés au mois de Muharram de l'an 9 de l'Hégire. Nombre d'entre eux ne le furent qu'après la conversion des tribus vers lesquelles ils devaient se diriger. Ces faits indiquent l'ampleur du succès remporté par la prédication islamique, la da'wah, après la conclusion du pacte d'Al-Hudaybiyah en l'an 6 de l'Hégire. Avec la conquête de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire, les gens se mirent à entrer en islam par vagues successives. L'envoi de détachements. Parallèlement à ces nominations de percepteurs, de nouveaux détachements durent être envoyés dans toutes les régions de l'Arabie afin d'y faire régner la sécurité. Parmi elles, le détachement conduit par Uyayna ibn Hisn al-Fazari au mois de Muharram de la 9e année de l'Hégire contre les Banu Tamim. Il était composé de 50 cavaliers qui n'étaient ni des Muhajiroun ni des Ansar. Les Banu Tamim incitaient et parfois empêchaient d'autres tribus de verser la jizya. Uyayna ibn Hisn partit pour les combattre, se déplaçant la nuit et se cachant le jour. Il surprit les Banu Tamim et les attaqua dans le désert, mais ils s'enfuirent pour sauver leur vie. 11 hommes, 21 femmes et 30 enfants furent capturés et conduits à Médine, où ils furent logés dans la résidence de Ramla bintul Harith. Une délégation, comprenant 10 de leurs chefs, vint trouver le prophète, alayhi salatu wassalam. Arrivés à Médine, ces bédouins commencèrent à crier devant la maison du prophète, sallallahu alayhi wasallam, « Oh Muhammad, sors à notre rencontre !» Lorsqu'il sortit, ils s'accrochèrent à son vêtement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, parla avec eux durant un moment, puis il les quitta pour aller effectuer la prière du midi. Après la prière, il les reçut à l'intérieur de la mosquée. L'orateur des Banu Tamim, Utarid ibn Hajib, prononça un discours. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda à Thabit ibn Qais ibn Shammas de lui répondre. Après l'intervention de Thabit, le poète des Banu Tamim, Az-Zabraqan ibn Badr, déclama des vers où il vanta les mérites des siens. Hassan ibn Thabit, le poète de l'islam, lui répondit à travers un poème improvisé. Lorsque discours et récitations poétiques prirent fin, Al-Aqra' ibn Habiz dit « Leur orateur est meilleur que le nôtre, de même que leur poète. Leurs voix et leurs dires sont également plus élevés que les nôtres. » Ils annoncèrent finalement leur adhésion à l'islam. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les récompensa noblement et leur rendit femmes et enfants. Également, le détachement de Ali ibn Abi Talib. Il partit à la tête d'un détachement pour démolir Al-Fils, qui était une idole de la tribu de Taï, au mois de Rabi al-Awwal de la 9e année de l'Hégire. Il commandait 150 hommes. 100 d'entre eux étaient montés sur des chameaux et les 50 autres étaient à cheval. À l'aube, les musulmans lancèrent une offensive contre Mahallat Hatim, brisèrent l'idole et se saisirent du bétail. Ils firent des prisonniers, dont la sœur de Adi ibn Hatim, qui lui avait réussi à s'enfuir en Syrie. Dans le trésor d'Al-Fils, ils trouvèrent 3 épées, 3 cottes de maille. Sur le chemin du retour, ils procédèrent au partage du butin, mettant de côté les meilleures choses pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Mais les captifs parmi la famille de Hatim ne furent attribués à personne. À Médine, la sœur de Adi ibn Hatim supplia le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, d'avoir pitié d'elle en disant « Ô messager d'Allah, mon frère m'a abandonné, mon père est mort, et je suis trop vieille pour effectuer une quelconque tâche. Sois généreux envers moi et Allah le sera envers toi. » Il dit « Qui est ton frère ?» Elle dit « C'est Adi ibn Hatim. » « N'est-ce pas celui qui s'est enfui pour échapper à Allah et à son messager » demanda-t-il. Puis il se détourna d'elle et partit. Le jour suivant, elle renouvela sa demande et reçut la même réponse. Le troisième jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, agréa sa requête. Un homme qui se trouvait aux côtés du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il s'agissait peut-être selon la sœur de Adi, de Ali, lui conseilla de demander également au prophète, sallallahu alayhi wassalam, une monture. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, accepta de nouveau sa requête. Elle retourna en Syrie où elle dit à son frère à propos de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, « Il a fait ce que ton père n'a jamais fait pour moi. Rends-toi donc auprès de lui, quelle que soit ta motivation, que ce soit l'ambition ou la crainte. » N'ayant pas de sauf-conduit, Adi vint trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, qui l'emmena chez lui. Dès qu'il se fut assis devant lui, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, remercia Allah et le glorifia. Puis il dit « Qu'est-ce qui te pousse à fuir ? Est-ce parce que tu as peur de dire que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah ? Connais-tu un autre digne d'être adoré en dehors d'Allah ?»« Non, » dit-il. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit un peu plus tard « Alors tu fuis certainement pour ne pas entendre dire qu'Allah est le plus grand. Connais-tu plus grand qu'Allah ?»« Non, » dit-il. Le prophète alayhi salatu wassalam remarqua alors, « Les Juifs ont encouru la colère d'Allah et les chrétiens se sont égarés. Je suis un pur monothéiste soumis à Allah », proclama finalement Adi, le visage resplendissant. Le prophète alayhi salatu wassalam le fit loger chez l'un des Ansar. Il se mit à visiter le messager d'Allah alayhi salatu wassalam matin et soir. D'après Ibn Ishaq, le prophète alayhi salatu wassalam dit à Adi, après l'avoir fait asseoir en face de lui dans sa maison, « Oh Adi, n'étais-tu pas un Rakousi ?» Ar-Rakousiya était une religion s'imprégnant du christianisme et du judaïsme à la fois. « Si, » dit Adi. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam continua, « Ne percevais-tu pas un quart du butin de ton peuple ?»« Si, » répondit Adi. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit alors, « Cela t'est défendu par ta religion. »« Oui, par Allah, c'est vrai, » dit Adi. Ainsi je concluais, raconta Adi, qu'il était bien un prophète envoyé par Allah, car il connaissait ce que les autres ignorent. Al-Bukhari a mentionné que Adi a rapporté les faits suivants. Tandis que nous étions en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, un homme arriva et se plaignit à lui de sa pauvreté, puis vint un deuxième homme qui se plaignit des pillards du désert. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Oh Adi, es-tu déjà allé à Hira ? Si tu vis suffisamment longtemps, tu pourras voir une femme venue de Hira à dos de chameau pour accomplir le tawaf autour de la Kaaba, ne craignant personne d'autre qu'Allah. Et si tu vis assez longtemps encore, tu t'empareras des trésors de Khosroès. Et si tu vis très longtemps, tu verras l'homme prendre des poignées d'or ou d'argent, chercher à qui les offrir et ne trouver personne qui veuille les accepter. » À la fin du hadith, Adi ajouta, « J'ai pu voir la femme voyager à dos de chameau depuis Hira jusqu'à la Mecque pour accomplir les tours rituels autour de la Kaaba, ne craignant personne hormis Allah. J'ai fait partie de ceux qui se sont emparés des trésors de Khosroès ibn Hurmuz. Et si vous vivez assez longtemps, vous verrez se concrétiser ce qu'a dit le prophète Abul Qasim, alayhi salatu wassalam, au sujet de l'homme qui dispose de poignées d'or et d'argent sans trouver personne qui veuille les accepter. »